إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ثم أما بعد. Donc le cours de ce soir, inshallah, concerne un point énorme, grandiose, d'une très grande importance, qui est la grandeur, la place de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce cours sera pris de certains passages d'un recueil du grand savant, l'imam, le Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafizahullahu ta'ala. Ce grand savant de la sunna, ce grand muhaddith, il a écrit des épîtres pour défendre notre prophète, alayhi salatu wassalam, pour défendre la législation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en des moments où il y a eu des attaques par-ci et là. Et ce recueil s'intitule « حقوق النبي sallallahu alayhi wa sallam والانتصار له ولشريعته » Les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le secours qui lui est donné ainsi qu'à sa législation. Alayhi salatu wa salam. Donc c'est ce livre-là. Vous voyez. Et dedans sont recueillis six épîtres, six écrits de ce grand savant, hafizahullahu ta'ala. Dans le premier, qui est à la base une conférence, qui date depuis à peu près 12-13 ans. Après avoir commencé par khutbatul hajj, le discours du besoin, comme vous l'avez entendu en introduction, il dit hafizahullah amma ba'd, après ceci. Fa hadithuna fi hadhihi al-laylati al-mubarakah hadithun 'an a'zami rajul wa a'lami rasulin 'inda Allah wa 'inda al-mala'ikah wa 'inda ar-rusul wa fi at-tarikh al-islami wa fi al-kutub as-samawiyyah wa fi al-Qur'an والسنه فهو اعظم رجل واعظم رسول وتظهر مكانته في الاخره اذ هو سيد ولد ادم يوم القيامه وصاحب الشفاعه العظمى وصاحب المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه ولا أستطيع أن أوفيه حقه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وقد كتبت ليستفيد السامعون لأن الارتجال قد يكون فيه خلل، ولتتم الفائدة كتبت هذا الموضوع وأطلت فيه قليلا، فأرجو الصبر وطول النفس لنحصل جميعا على الفائدة من هذا الموضوع الشيق العظيم. Donc il dit, hafizahullah ta'ala, après ceci, notre parole qui va suivre cette nuit honorable, cette nuit bénie, est un discours qui concerne le plus grand homme, le plus grand des hommes, le plus connaisseur comme messager auprès d'Allah, ainsi qu'auprès des anges, ainsi qu'auprès de tous les messagers, ainsi que dans l'histoire islamique, ainsi que dans les livres célestes, c'est-à-dire les livres sacrés, révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, ses prophètes et messagers, ainsi que dans le Coran et la Sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le meilleur homme et le plus grand messager. On voit bien sa place, son grade, son degré se manifester dans l'au-delà. Il est l'élite, le chef à la tête de tous les enfants d'Adam le jour dernier. Il est celui à qui il a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala la grande intercession. Il est celui à qui il a été donné la place, le degré louable que toutes les prières d'Allah et ses salutations soient sur lui, alayhi salatu wassalam. Puis le cheikh hafidhahullah dit, et je ne pourrai dans cette assise, durant ce cours, réunir tous les mérites, les vertus et les bienfaits et le droit qu'il a, alayhi salatu wassalam. Et j'ai écrit, car le cheikh a pour habitude souvent, comme d'autres savants, lorsqu'ils font une conférence ou un cours, de la faire directement de leur propre mémoire et parfois même sans préparation. C'est ce qu'on appelle l'irtijal. C'est quelqu'un qui va parler sans quelque chose de préparé. Mais là, lorsque ça touche la place, le degré du prophète et la grandeur du prophète, sallam, le cheikh précise qu'il a préféré le préparer pour que le cours soit d'une qualité bien meilleure. Donc je l'ai écrit pour qu'il soit utile, bénéfique pour ceux qui l'écoutent. Et car parfois, dans les paroles non préparées, il se peut qu'il y ait des manquements dedans. Et pour que le bénéfice soit plus parfait et complet, donc j'ai écrit ce sujet. Je me suis un peu attardé là-dessus. Donc j'espère que vous ferez preuve de patience là-dessus. Pour que tous nous gagnions le bénéfice de ce sujet énorme et attirant. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons voir certains passages, Inch'Allah, car on n'aura pas le temps de lire tous les passages de ce livre qui est d'une très grande importance. Puis le cheikh dit, أسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص في كل ما نقول ونفعل. Puis il dit, je demande, j'invoque, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer ainsi qu'à vous tous l'amour de ce messager صلى الله عليه وسلم et la sincérité dans tout ce qu'on dit et qu'on fait. وأبدأ الآن فأقول. Et il dit, je commence par ce passage. فهذه كلمة في بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على هذه الأمة، أي أمة الإجابة وأمة الدعوة من الجن والإنس. C'est une parole pour montrer, clarifier la place du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et clarifier ses droits qu'il a auprès de sa communauté. C'est-à-dire la communauté qui a répondu favorablement est la communauté en qui on doit faire le prêche parmi les djinns et les hommes. Car le terme communauté, dans sa généralité, il englobe les musulmans et les non-musulmans. C'est toute la communauté humaine et pas aussi les djinns. Puis, pour préciser, on appelle la communauté musulmane, on l'appelle Ummatul Ijaba. C'est celle qui a répondu, qui a accepté le prêche et qui est musulmane. Et l'autre, on l'appelle Ummatul Da'wa. C'est la communauté qui attend le prêche, qui attend l'invitation à l'islam. Donc le prophète, sallam, il a des droits. Alayhi salatu wa salam. Inna li rasulillah al-karim sallallahu alayhi wa sallam makanatan azimatan wa manzilatan rafi'atan lam yablughha ahadun min al-khalq fahuwa سيد ولد آدم يوم القيامة آدم ومن تحت ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. Donc l'honorable messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a une grande place et il a un degré élevé que personne parmi les créatures n'a pu et ne pourra atteindre. Il est l'élite, le maître, le chef de tous les enfants d'Adam le jour dernier. Adam et tous ceux qui sont venus après lui sont sous son étendard sallallahu alayhi wa sallam. Wa laqad utiya ash-shafa'ata al-'uzma allati i'tadhara 'anha ulul 'azmi min ar-rusul wallati ikhtassahu Allah biha وآثره بها على العالمين. Et il lui a été donné à cet honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam la grande ou la plus grande des intercessions, l'intercession majeure qui est ce moment difficile, ce moment de tourment lorsque le soleil s'approche des créatures et les gens sont dans leur sueur. Chacun, il aura comme quantité de sueur selon les œuvres accomplies dans ce bas monde, jusqu'à même que certains seront noyés dans leur sueur, qu'Allah nous en préserve. Et à ce moment-là, les gens veulent que le jugement commence. Ils sont pressés que le jugement commence. Et ils vont voir certains prophètes et messagers. Et chacun s'excusera de ne pas pouvoir intercéder. Chaque messager. Jusqu'à arriver au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dira, c'est moi qui ai été prévu pour cette intercession. Alayhi salatu wa salam. Et il va intercéder. Et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera et répondra à son intercession. Donc, Ulul Azm, les cinq, c'est le titre qui est donné aux cinq plus grands messagers. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed, alayhim salatu wa salam. Donc les quatre premiers parmi ces grands messagers dotés d'une résolution forte répondront qu'ils ne peuvent pas intercéder à ce moment-là. Et ce sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu cette grâce divine d'avoir cette intercession. Donc c'est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyé à lui seul. Et il l'a distingué avec cela face à tous les autres membres des créatures. وَلَقَدْ كَرَّمَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلْ وَاخْتَصَّهُ بِمَكْرُمَاتٍ جَزِيلَةٍ لَمْ يُعْطِهَا لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré et l'a distingué par beaucoup de dons et de bienfaits et de miracles qu'Allah lui a donné à lui, des choses qui n'ont pas été données à quelqu'un avant lui parmi les prophètes, qu'Allah prie sur eux tous et les salue. Wa kulluhum lahum manzilatun rafi'atun 'indallah. Bien que chaque prophète, tous les prophètes ont une place énorme et grandiose auprès d'Allah Azza wa Jal. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه مسلم وروى البخاري قريب من هذا. Donc d'après l'honorable compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été préféré aux autres prophètes aux autres prophètes par six choses. Il m'a été donné Jawami' al-Kalim, cette facilité de parler peu pour dire beaucoup. Ça, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam employait peu de mots pour dire beaucoup. Ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. C'est-à-dire les mots, ils lui ont été réunis. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir parler peu pour vous dire beaucoup. Ça, c'est un don qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on parle de la distinction de ce grand prophète alayhi wa sallam, on dit « Outiya jawami' al-kalim ». Il lui a été donné ce don-là. Et la victoire m'a été donnée par al-ru', la peur qui est mise à mon ennemi. C'est-à-dire mon ennemi, aussi loin qu'il peut être de moi, il entend parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la peur qui vient. C'est une peur qui fait trembler le cœur. C'est ça le problème. C'est une peur, en plus d'une peur simple, c'est qu'elle fait trembler le cœur. Et le butin de guerre m'a été autorisé, permis. Avant, à l'époque des autres prophètes, ce n'était pas permis. Les butins de guerre, ils ne pouvaient pas en profiter. Et pour la communauté du prophète Mohammed sallam, on peut en profiter. Et la terre, elle a été rendue pour moi comme pure. C'est un endroit pur et un endroit dans lequel on peut prier. On n'est pas obligé d'être dans un lieu bien précis pour accomplir la prière. N'importe quel endroit de la terre, on peut y prier. Et j'ai été envoyé vers tous les gens. C'est-à-dire à la différence des prophètes d'avant, qui chacun était envoyé spécialement à son peuple et à sa nation. Lui, il a été envoyé, alayhi salatu wassalam, vers tous les gens. Et par mon envoi, la mission de prophète est terminée. Elle est close. Il n'y a plus de prophète après lui. Alayhi salatu wassalam. Le prophète Mohammed sallam, il clôt la mission des prophètes. Il n'y a plus de prophète après lui. Alayhi salatu wassalam. Et le fait que Isa alayhi salam n'est pas encore mort, il n'a pas été crucifié, Les gens de l'époque ont cru voir Issa au loin, mais c'était quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Issa, il est élevé au ciel et il attend le moment où il devra descendre sur terre pour terminer sa vie. Ceci ne veut pas dire qu'il a été envoyé comme prophète après le prophète Mohammed. Non, sa mission de prophète envers le peuple des enfants d'Israël, c'était avant le prophète Mohammed. Et lorsqu'il viendra à la fin des temps, il viendra en appliquant et en pratiquant la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que suiveur des lois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Muslim et Al-Bukhari rahimallahu al-jami' a rapporté un récit semblable qui s'approche de celui-là. وفي حديث جابر وأعطيت الشفاعة رواه البخاري ومسلم. Et dans une version de Jabir radiyallahu anhu, l'honorable compagnon Jabir radiyallahu anhu, qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, il est aussi précisé et il m'a été donné l'intercession. وقال تعالى في بيان منزلته صلى الله عليه وسلم وبيان صفاته الكريمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Et Allah le Très-Haut, élevé soit-il, dit pour montrer, clarifier la place, le degré du prophète sallam et aussi nous montrer les caractères et la moralité énorme qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le sens du verset: certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا الله المسوات الندي dans le sens du verset, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Il leur enseigne le livre et la sagesse. Le livre, c'est le Coran, et la sagesse, ce sont les enseignements du prophète, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qala ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Et Allah il soit-il nous dit aussi dans le sens du verset, c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés. Et le titre d'illettré était un terme qui était donné aux Arabes d'avant. Car ce qui était connu en général chez eux, c'est qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. C'est ce qui primait chez eux. Une fine minorité avait la connaissance de la lecture et de l'écriture. Mais la plupart mémorisaient. Ils avaient une très grande mémoire. Ils mémorisaient, mais ils ne savaient pas lire et écrire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même est illettré. Et il ne sait ni lire, ni écrire, alayhi salatu wassalam. Donc c'est lui qui a envoyé vers ces Arabes, ce peuple d'illettrés, un messager parmi eux, qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. وقال تعالى في بيان منزلته العظيمة وصفاته الكريمة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, des versets, ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante et fait aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles, aux mécréants et aux hypocrites. Ne prête pas attention à leur méchanceté et à leur mal. Et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. وقال تعالى منوها بذكره ومكانته عنده ونعمته عليه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Et Allah, élevé soit-il, nous dit dans le Coran, dans le sens des versets, pour nous parler de ce noble prophète, sallam, de sa place et de la grâce qu'il lui a octroyée. Subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens des versets, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرحه بنور الإسلام. Cet honorable compagnon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما a dit en explication du verset ألم نشرح لك صدرك. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, c'est-à-dire avec la lumière de l'islam. وقال سهل رحمه الله بنور الرسالة. Et سهل رحمه الله a dit avec la lumière du message. وقال الحسن رحمه الله ملأه حكمة وعلما. Et الحسن رحمه الله a dit Allah l'a rempli sa poitrine de sagesse et de science et de connaissance. Wa aqsama Allah bi'azimi qadrihi fa qala. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par la grande place qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Allah dit dans le sens du verset « Par ta vie !» Donc Allah jure par la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Par ta vie !» Ils se confondaient dans leur délire. Ici, les questions, lorsqu'on dans la sourate Al-Hijr, hein, qui est l'endroit dans lequel il y avait le peuple de Salih, dans le nord de l'Arabie, le peuple du grand prophète Salih alayhi salam, et le mal qu'ils ont commis, et le refus d'accepter le message de Salih alayhi salam. Et Allah tabaraka wa ta'ala cite ce récit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit dans le sens du verset par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Ici les questions du peuple de Salih alayhi salam. قال ابن كثير رحمه الله أقسم تعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى dit en explication de ce verset qu'Allah تبارك وتعالى jure par la vie de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un énorme honneur qui est donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et une place et un degré élevé qui a été donné à ce prophète alayhi salatu wa salam. قال عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال ما خلق الله وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي يلعبون. عمر بن مالك النكري رحمه الله rapporte d'après أبي الجوزاء أبو الجوزاء رحمه الله d'après عبد الله بن عباس رضي الله عنهما qui dit Allah n'a pas créé, n'a pas donné vie à une créature plus honorable, qui a plus de place auprès de lui que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'ai pas entendu Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de verset coranique où Allah jure par la vie d'une personne en dehors de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit « La'amruka innahum lafi sakratihim » Yamahoun, par ta vie, ils se confondaient dans leur délire, dans leur jeu, dans leur plaisir auquel ils s'adonnaient. Donc, par ta vie, par la durée de ta vie que tu auras dans ce bas monde, ils sont dans leur délire. Ils se confondaient dans leur délire. C'est-à-dire, yalaboun, ils jouaient. Ils allaient à leur plaisir. وفي رواية عن ابن عباس يترددون. أقول. Et là, الشيخ ربيع حفظه الله fait un commentaire à cela. لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كما أقسم بالضحى والليل والشمس وضحاها والسماء إلى آخره. Allah subhanahu wa ta'ala se permet, s'autorise à jurer par ce qu'il veut comme créature. Une de ses créatures. Comme il a juré par le matin, comme il a juré par la nuit, comme il a juré par le soleil, comme il a juré par le ciel, etc. Beaucoup de créatures ne sont cités dans le Coran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces créatures-là. وَأَمَّا الْعِبَادِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ. Mais les créatures, eux, lorsqu'il leur arrive de jurer, lorsqu'ils veulent jurer, ils ne peuvent le faire, ils ne peuvent que jurer par Allah Azza wa Jal. Une interdiction formelle de jurer par une créature. Quelle que soit cette créature, on ne jure que par le Créateur, subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ. Et là, il cite le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui jure par autre que Allah aura fait acte de mécréance ou de polythéisme, aura mécru ou il aura associé. Donc c'est une très grande gravité. Il faut complètement s'en éloigner. Si une personne, il en arrive à jurer, il ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Fatlu nasabihi sallallahu alayhi wa sallam. Le mérite de sa lignée, alayhi salatu wa salam. An Wathilah ibn al-Asqa, radiyallahu anhu, قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم. D'après Wathila ibn al-Asqa radiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes Allah a élevé Kinana parmi les enfants d'Ismaïl alayhi salam, et il a élevé Quraysh à partir de la grande famille de Kinana, et il a élevé de la tribu de Quraysh la famille de Hashim, et il m'a élevé au sein de la famille de Hashim, rapporté par Muslim. Donc le prophète sallam, lui, il fait partie de Banu Hashim, et si on peut dire la petite tribu à l'intérieur d'une plus grande tribu, et Banu Hashim font partie de la tribu de Quraysh. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a élevé Quraysh de Kinana, et il a élevé Kinana de la descendance de Ismaïl alayhi salam. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala: bu'ithtu min khayri quruni bani Adam qarnan fa qarna حتى كنت من القرن الذي كنت فيه رواه البخاري. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé dans la meilleure génération, dans les meilleures générations qu'aient connues les enfants d'Adam, génération après génération, jusqu'à que je suis arrivé dans cette génération. Al-Qarn, en arabe, il est voulu par là le siècle, une centaine d'années. Et on entend par Qarn aussi la génération. Donc toutes les générations connues depuis Adam, le père de l'humanité, alayhi salam, en passant par tous les prophètes et tous les messagers, alayhi salatu wa salam, jusqu'à la fin des temps, la meilleure génération, c'est celle dans laquelle fut envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fahoua, et donc là, je ne le répéterai pas parce que ce sont des prénoms, d'accord, il va citer la lignée du prophète alayhi salatu wa sallam, ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Fahoua أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا متفق على صحته أي بين النساب. Cet arbre généalogique que vous venez d'entendre, jusqu'à Adnan, il y a consensus là-dessus. Il n'y a pas de divergence chez les spécialistes de la généalogie. Chez les musulmans, chez les arabes, ils sont unanimes de cette lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما فوق عدنان مختلف فيه. Après عدنان, là il y a divergence dans les noms qui sont cités. ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم. Mais même s'il y a cette divergence entre عدنان jusqu'à إسماعيل, mais une chose qui est claire, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est que عدنان descend d'إسماعيل, fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est seulement les noms hein, des ancêtres entre ces deux ancêtres qui sont Adnan et Ismaïl alayhi salam. Donc il n'y a aucun doute qu'Ibrahim, le père des prophètes, ce grand messager alayhi salatu wa salam, est l'ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est son ancêtre de son fils, d'après son fils Ismaïl alayhi salam, qui est l'ancêtre du prophète alayhi salatu wa salam. Wa Ismaïl huwa al-dhabih ala al-qawl al-sahih. Et Ismaïl, c'est bien lui qui a failli subir le sacrifice. On l'appelle al-dhabih, c'est celui qui va subir le sacrifice, l'égorgement. C'est bien lui sur la vie authentique là-dessus. وَجَاءَ بِهَذَا الْقَوْلَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ. Et c'est la vie qui est défendue par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ إِسْحَاقُ بَاطِلٌ. Et l'opinion qui viendrait à dire que celui qui a vécu cette épreuve, qui a subi cette épreuve, que son père allait le sacrifier, Il dit que c'était Ishaq alayhi salam, c'est une opinion qui est fausse et qui est contraire à la vérité. Chez les juifs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est Ishaq le dhabih. Et chez les musulmans, la majorité, quand ils parlent de ce sujet, ils disent bien que c'est Ismaïl. Et certains, parmi ceux qui fouinent un peu partout, qui cherchent, ou alors qu'ils cherchent des opinions qui ne sont pas connues dans la communauté, ils peuvent en arriver à vous dire, en fin de compte, c'est Ishaq. Et ça, c'est faux. Et parmi ceux-là, Salih al-Muram ici, il ramène cette opinion-là. Et ça ramène des troubles et des ambiguïtés dans la communauté. Et d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui est recommandé par les savants de la Sunna. Donc il faut s'en éloigner. Mais c'était une anecdote que je vous ramène puisque le sujet est là. Il fait partie de cela. Wallahu al-musta'an. Donc, le cheikh, il a précisé cela, puisque c'était le contexte qui le voulait. Tayyib. Akhlaquhu al-karima, sallallahu alayhi wa sallam. La moralité, le comportement grandiose, superbe, qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait les meilleurs des comportements et la moralité la plus élevée alayhi salatu wassalam. Qala ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Dans le sens du verset, Allah nous dit Noun. Noun, c'est une lettre de l'alphabet, comme les sourates qui commencent par Alif Lam, Mim, Alif Lam, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Tous ces versets-là qui commencent, ce sont les lettres de l'alphabet. Il n'y a pas de secret derrière. Ce sont les lettres avec lesquelles sont composés les mots arabes. Donc, Noun. Allah nous dit dans le sens du verset Noun, par la plume. Et ce qu'ils écrivent, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Et tu es, certes, d'une moralité imminente. قال المشركون فيه صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون. Les associateurs, les polythéistes, ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit sur lui des méchancetés, des grossièretés en disant de lui, pour l'attaquer, qu'il est un sorcier et en disant de lui qu'il est possédé. فَدَافَعَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Allah qui vient soutenir, défendre, secourir son honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa radda ala a'da'ihi. Et il a répondu, subhanahu wa ta'ala, et réfuté à ses détracteurs, et à ses ennemis. Wa akhzahum, et il les a humiliés. Wa bayyana makanatahu sallallahu alayhi wa sallam. Et il a bien montré, subhanahu wa ta'ala, la place qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalat Aisha radiyallahu anha kana khuluquhu al-Qur'an. Aisha radiyallahu anha, la mère des croyants, la véridique, fille du véridique radiyallahu ta'ala anha, elle dit le comportement, la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Qur'an. C'est-à-dire que tout ce que vous allez trouver comme moralité, bon comportement, bon caractère dans le Qur'an, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était son comportement et son caractère, et c'était sa moralité. Il était le premier à avoir ces nobles caractères, alayhi salatu wa salam. Une erreur à ne pas commettre, et certains savants l'ont bien fait la remarque là-dessus, on ne dit pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des compagnons radiyallahu anhum ou des hommes vertueux, ce sont des, ou c'était des Qur'an qui marchaient sur terre. Car le Qur'an, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Un créé. Comment on peut dire des créatures que ce sont un Qur'an? Subhanallah. Donc faites attention à ce genre de phrases qui ne viennent pas des savants de la sunna. Allahu a'lam qui a propagé ce genre de phrase dans la communauté. Et que des gens ont aimé cette phrase et ils se sont mis à la propager et à s'en servir. On ne dit pas cela. Ça, c'est une erreur. وَلَنَا فِيهِ أُسْوَةٌ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ. Et il est pour nous un modèle et un exemple à suivre. عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. الله le très haut élevé soit-il nous dit dans le sens du verset, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, dur, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Il ne serait pas resté auprès de toi. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance, ceux qui mettent leur confiance en Allah Azza wa Jal. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا رواه البخاري. Et d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète n'était pas quelqu'un de grossier, quelqu'un qui insultait, quelqu'un qui proférait des paroles mauvaises, mais plutôt il disait alayhi salatu wa sallam, parmi vous, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont dotés de nobles, des bons comportements, rapporté par Al-Bukhari. Wa an Aisha radiyallahu anha annaha qalat ma khuyyira rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma fa in kana ithman kana ab'ada an-nas minhu wa man taqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها رواه البخاري. D'après Aïcha رضي الله عنها qui dit jamais le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait à choisir entre deux choses, entre deux situations sans qu'il ne choisisse la plus simple et la plus facile d'entre les deux. Tant que ce choix fait ne comporte pas un péché ou un mal. Et si c'était un mal, alors il était la personne la plus éloignée de cela. Et jamais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est vengé pour sa propre personne. Sauf lorsque sont touchées ou transgressées les limites d'Allah Azza wa Jal. Alors là, il se vengeait pour Allah Azza wa Jal. Mais jamais pour sa propre personne, alayhi salatu wa salam. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, voyez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque il y a cette possibilité de choisir, il allait vers le plus simple et le plus facile. Contrairement à certains qui pensent qu'il faut pencher vers le plus dur. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne compréhension. Et ce n'est pas le véritable suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, nous le dit comment il se comportait. Et lorsqu'il avait ce choix, il choisissait le plus facile et le plus simple. Tu peux partir en voiture. Pourquoi marcher à pied ? Pourquoi ? Tu as l'avion. Pourquoi aller en bicyclette ? Voilà. Pourquoi te fatiguer ? Non, parce qu'il y a plus d'efforts à faire, donc il y a plus de hajj. Ça, c'est quand il n'y a plus rien. Tu n'as que ce moyen-là. Subhanallah. Mais lorsque tu as le moyen le plus simple, pourquoi chercher le plus dur ? Ça, c'est faux. Tu peux prier dans un endroit qui n'est pas touché par la forte chaleur. Pourquoi aller dehors ? Le sable est chaud, le sol, à peine tes pieds peuvent le toucher. Et tu dis, je patiente, le feu de l'enfer, il est bien plus dur et plus douloureux. Shaitan a raison de cette personne. Non. Lorsque tu as le choix, tu vas vers ce qui est le plus simple et le plus facile. Tant qu'il n'y a pas de problème là-dedans, il n'y a pas d'interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il retardait la prière de Dhuhr, toujours dans son heure. Mais pourquoi ? Parce qu'au moment de Dhuhr, c'est juste après le zénith. C'est là où le soleil est le plus haut, où il frappe le plus. Et dans certaines régions, hein, à ce moment-là, la chaleur, elle est intense. C'est très dur. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, attendait un certain rafraîchissement pour pouvoir accomplir la prière. Alayhi salatu wa salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il entend les pleurs des bébés. Il récite plus court parce qu'il pense, alayhi salatu wa salam, aux mamans qui sont en prière et qui ont les bébés qui pleurent. Pas comme certains, ils n'avaient pas qu'à pas amener leurs enfants. Et d'abord, il faut faire des prières longues. Et ainsi de suite. Non. Quand tu pries tout seul, prie toute la nuit avec une raka. Tout le Coran, si tu veux. Mais quand tu pries derrière toi, il y a les gens, tu ne peux plus penser qu'à ta propre personne. Sache que derrière toi, il y a des gens dans le besoin, il y a des gens qui ont des occupations, il y a des gens qui sont malades, il y a. Il faut que tu penses à tout ça. Il y a un imam, c'est quelqu'un de sage, et qui prend en considération tout cela. Donc, il faut prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines, car il est le modèle dedans. Alayhi salatu wa salam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها رواه البخاري. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien plus de pudeur que la jeune fille vierge dans son endroit qui lui est réservé ou sa pièce. Subhanallah. À l'époque, une fille vierge, incapable de regarder dans les yeux son propre père pour lui dire « je veux me marier avec un tel » ou même on lui propose et de dire « oui ». Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme, on ne peut la marier qu'avec son consentement, les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, comment on fait avec la jeune fille vierge qui n'a jamais été mariée ? Tellement que c'est impossible pour elle, tellement qu'elle a de la pudeur. Le prophète Hassan avait bien plus de pudeur que cette jeune fille. Alayhi salatu wassalam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه رواه البخاري. Et d'après Abu Huraira رضي الله عنه qui dit jamais le prophète صلى الله عليه وسلم n'a critiqué une quelconque nourriture. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés différents les uns des autres. Comme on dit en français, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Subhanallah. Donc, toi, tu aimes quelque chose, l'autre, il aime autre chose. Je préfère tel légume que tel légume, et ainsi de suite. Pourquoi vouloir imposer aux autres ce que toi, personnellement, tu aimes? Tu as trouvé des gens, peut-être comme toi, qui aiment tel légume ou tel plat, mais les autres aiment d'autres. Donc, si un plat, tu n'es pas trop intéressé, ne le critique pas. T'en veux, mange. T'en veux pas, ne mange pas. Laisse les gens tranquilles manger. Non, j'en veux pas, je veux que tout le monde n'en veut pas aussi. Donc je vais tout faire pour que personne n'en mange. Et je vais trouver tous les moyens pour... Allahu musta'an. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, jamais il n'a critiqué une nourriture. S'il en voulait, il en mangeait. Sinon, il le délaissait. C'est aussi simple que ça. Wa hadha min husni mu'amalatihi وعشرته لأهله صلى الله عليه وسلم ولأمته. Voilà le bon relationnel comportement qu'avait le prophète صلى الله عليه وسلم envers sa famille et envers sa communauté. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا وفي لفظ خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا رواه مسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه a dit, j'ai servi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant 10 ans. Je jure par Allah qu'il ne m'a jamais dit ouf. Seulement ça, ouf, il ne me l'a jamais dit. Et jamais il ne m'a dit, pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi n'as-tu pas fait comme ci, comme cela? Jamais. Et dans une autre variante, dans une autre version, je l'ai servi durant ses voyages et quand il était en ville. Wallahi, je jure par Allah, jamais il ne m'a dit pour une chose que j'ai fait, pourquoi tu fais ceci comme ça? Ou une chose que je n'ai pas fait, pourquoi n'as-tu pas fait cela? Rapporté par Muslim. C'est haut comme degré de moralité et de comportement qu'avait le prophète عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا رواه مسلم. Et toujours d'après Anas رضي الله عنه qui dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était parmi les hommes celui qui avait les meilleurs comportements, rapporté par مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. Et d'après Jabir ibn Abdillah رضي الله عنه qui dit jamais il n'a été demandé une chose au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et il a dit non. وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. Et d'après Anas, radiallahu anhu, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam On lui a demandé une chose. À chaque fois qu'on lui a demandé une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en islam, il a donné. On lui demande, il donne. Alayhi salatu wa salam. Un haut degré qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut l'atteindre. Alayhi salatu wa salam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a fait les éloges. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Alayhi salatu wa salam. وعن أنس رضي الله عنه قال وهو حديث ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة رواه مسلم. Donc d'après Anas radiallahu anhu, toutes les fois où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé quelque chose en islam, et il donne. Jusqu'à qu'on a vu un homme venir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné tout le troupeau qu'il y avait entre deux montagnes. Tout ce qu'il y avait dans une vallée, il lui a dit, il est à toi. Et cet homme est revenu, parce qu'il venait de se convertir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche à gagner leur cœur. Car en étant bon envers ces gens-là, l'islam va plus être ancré dans leur cœur. Donc il lui a donné. Cet homme, étonné de cette donation, il retourne chez ses proches, chez sa tribu. Et il leur dit, ô peuple, soumettez-vous, entrez dans l'islam, convertissez-vous. Car Mohammed donne la donation de celui qui ne craint pas la pauvreté. Il n'y a que quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté qui peut donner de cette manière. Alayhi salatu wa salam. Rapporté par Muslim. Wa an ibn Abbas radiallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas bil khayr wa kana ajwad ma yakun fi shahri ramadan inna jibril kana yalqahu fi kulli sanatin fi ramadan hatta yansalikh fayaridu alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Quran. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواه مسلم والمراد كالريح المرسلة في إسراعها وعمومها. Et d'après Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما qui dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était le plus généreux des gens dans le bien. Et encore plus, il l'était généreux durant le mois de Ramadan. Lorsque Jibril, alayhi salam, venait à sa rencontre chaque année durant le mois de Ramadan, jusqu'à que le mois de Ramadan se termine. Et le prophète, alayhi salam, lui récitait Al-Qur'an durant ce mois. Et lorsque Jibril venait à sa rencontre, le messager d'Allah, alayhi salam, il était bien plus généreux dans le bien que le vent, que la tempête, la vitesse à laquelle elle va et la généralité des endroits qu'elle va toucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette vitesse-là et dans la grande partie que va toucher ce vent-là, c'est une image qui est donnée sur la générosité du prophète alayhi salatu wa salam. Ici, on s'arrête, Inch'Allah. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.